On va parler des Aigles de Robertval avec notre ami Simon Gaudreau. Les Aigles qui sont, les trois équipes sont dans les séries. On va parler avec Simon. Salut Simon. Salut Danny. Comment ça va dans votre, dans vos séries respectives? Ça va bien, ça va bien. C'est serré. C'est des matchs un peu cruciaux. Là, on a quand même deux séries 2-3, une série 3-5. Notre série 3-5 s'est transformée dans une série 2-3, là, étant donné que c'était rendu égal 1-1. Mm-hmm. Donc, c'est chaudement disputé. Là. Je vais te faire un petit résumé de tout ça. Ouais. Au niveau Benjamin, on avait gagné le premier match 5-4 ici à Robertval. On est allé jouer lundi soir à Québec. On a perdu 3-2 en fusillade. On vient de jouer, on a joué cet après-midi à 11h ici à Robertval. On a gagné 1-0, donc l'équipe Benjamin mène la série 2-1. Et on est sur un 3-3 si on se rend 5 matchs. Là, le quatrième match est demain soir à Québec. Okay. Et puis le cinquième match est samedi ici à Robertval si nécessaire. Okay. Au niveau du cadet, là, on a joué la semaine dernière, donc samedi. Les cadets mènent la série 1-0 avec une victoire de 2-1 là, contre Pointe-Lévis. Donc ça, c'est position 3 contre position 6. Nos cadets qui sont 6e et Pointe-Lévis qui sont 3e au classement général. Mm-hmm. Classement de la division, pardon. Les juvéniles, eux, avaient perdu en prolongation vendredi après-midi à Québec, 4-3. Tiré de l'arrière, ils faisaient face à l'élimination hier à Robertval. Ils ont gagné 4-1. Donc, force là, un match ultime demain après-midi à Québec. OK. À compter de midi là, à l'Aréna du Berger. OK. Puis moi, quelle belle initiative que j'ai vu passer cette semaine. Les matchs sont en streaming. Ouais, ben, Benjamin, avec le séminaire, on s'est parlé. On a eu une discussion avec eux, puis il engage un monsieur là, qui fait la description et filme un gros kit de TV, là, si on veut. Là. C'est amateur, puis il se dit très bien amateur, puis c'est correct. Nous, on a donné un petit montant là, pour que le match soit télédiffusé, puis web-diffusé, pardon, puis c'était le fun, là. Ça permet c'est sûr que c'est pas Ligue nationale, là, mais est-ce que c'est quand même intéressant? Est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que la qualité, quand même, c'est amateur, au moins, on voit ce qui se passe, puis on voit... Mais la qualité de l'image est-tu bonne? Oui, la qualité était vraiment excellente. Là, ça, OK, là, pas de lag, rien. L'instruction était bonne, puis le monsieur il était drôle. Puis, c'est bon ça. Pour le tournoi qu'on organise ici, là, cette année, on avait essayé de faire la web diffusion parce que ça se fait ailleurs avec les Live Goes Arena. Là, ouais. Ailleurs au Québec, il y a des places que tu peux voir les patinoires live. Donc, c'est des choses qu'on essaie de faire peut-être pour les tournois, peut-être pas pour tous les matchs, mais les séries puis les tournois, ça pourrait être le fun à Robertval. Ben, puis c'est pas rien. Ouais, au moins les séries puis quelques matchs, c'était là, tu sais, veux dire. Ouais, exact. Tu sais, mais c'est là qu'on voit que la technologie augmente, hein. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est le fun, tu sais. Les parents travaillent aussi, ils font ça du boulot, ils peuvent pas toujours suivre, là, c'est normal, fait que de pouvoir suivre leur petit garçon de 12 ans à Québec, c'est intéressant. OK. Y a-t-il du nouveau concernant votre demande? Ce soir, là. Ah, OK. On est en. Là, je te parle, là, puis je m'en vais à l'école, là, continuer la préparation de tout ça, mais à compter de 7 heures ce soir, là, on fait entendre notre appel. Et puis, suite à ça, là, disons jusqu'à de 7 à 10 jours là, pour donner le verdict final de cette décision-là. Et cette décision-là, nous ne pouvons pas la. Eux ne peuvent pas revenir en appel et nous ne pouvons pas retourner en appel de cette décision-là. Es-tu confiant? Ben, tu sais, confiant, oui, puis oui, mais tu sais, c'est par rapport à nos arguments. C'est les choses que nous contrôlons de notre côté. Nous vivons dans un milieu démographique, un territoire qui est vaste, avec, on se fait poser des questions beaucoup sur notre démographie, notre nombre de jeunes sur le territoire, tout ça, tu sais. On explique ça à des gens qui ne vivent pas notre quotidien. Nous, on est dans le quotidien, on sait très bien qu'on a les jeunes, on sait comment notre programme est, on sait quelle culture qu'on inculque à tout ça. Et puis, tu sais, eux, c'est des gens de l'extérieur qu'on essaie de leur expliquer du mieux qu'on peut. Tu sais, quand on arrive là, on arrive avec notre map du lac Saint-Jean, puis on leur explique c'est quoi les distances, et puis, tu sais, c'est vraiment toujours une question de démographie, et puis de population. Ben Simon, j'aimerais ça t'en parler demain dans le bulletin de sport local, faire connaître ta décision. La décision, elle ne sera pas donnée ce soir. Ah, La OK. décision, elle va être remise, là, ils ont entre 7 à 10 jours pour la remettre. Et puis, que ce soit positif ou négatif, le RSEQ ne peuvent pas venir en appel de cette décision-là et nous ne pouvons pas retourner en appel de cette décision-là. Donc, c'est vraiment nous qui. C'est pour la prochaine année, ça va être de la façon que ça va être décidé par l'avocat. Mais ça ne nous empêche pas de refaire une demande l'an prochain et puis de revenir en appel si notre demande est encore rejetée à ce niveau-là. Dans le fond, l'objectif est d'offrir un encadrement de qualité à nos jeunes du secondaire 1 à la seconde, jusqu'au secondaire 5, de garder les jeunes dans la même école pour le bien de leur apprentissage puis de leur développement là, en tant que jeune citoyen. OK. Ben Simon Gogo, merci. Au plaisir de se parler tantôt. Merci, Ben. Simon Gallo des Aigles de Robertval. Merci, Simon. Merci.